élever son air heureux, peut-être pas vrai. Il a levé la tête, je ne sais même pas s'il me voyait. Il continue de marcher sans un sourire, sans rien demander. J'ai compris ce qu'il voulait, c'était nature, c'était secret. Une attitude dangereuse en cache une autre généreuse. Arrêtez de me mentir, dites-moi donc ce qui vous fait courir. Il voulait tout, même la terre. Il voulait tout, même le temps. Il voulait tout, même la mer. Il voulait tout, plus qu'avant. Il prenait sa guitare, s'en allait jouer sur la plage. Personne pour l'applaudir, juste l'eau qui claque sur le rivage. Disait jamais rien, moins brillant qu'un enfant sage. Cette vie c'était la sienne, ce vœu c'était le sien. Il voulait tout, même la terre. Il voulait tout, même le temps. Il voulait tout, même la mer. Il voulait tout, plus qu'avant. Mais ce qu'il jouait, car c'était pur et c'était gai. Chaque note qu'il sortait, une aventure, un peu d'air frais. Il a fini par se lever, d'un air triste m'a regardé. Puis que je le connaissais, c'est la première fois qu'il me parlait. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Il m'a dit ce qui est vrai, c'est simplement tout ce que je voulais. Il voulait tout, même la terre. Il voulait tout, même le temps. Il voulait tout, même la mer. Il voulait tout, plus qu'avant. Il devient fou, il espère. Il devient fou, il attend. Même à genoux, même à terre. Même à genoux, il est grand. Il voulait tout, même la terre, même la terre. Il voulait tout, il voulait tout, même le temps, même le temps. Il voulait tout, il voulait tout, même la mer, même la mer. Il voulait tout, il voulait tout, plus qu'avant. Il devient fou, il espère. Il devient fou, il devient fou, il attend. Même à genoux, même à terre, même à genoux. Il est grand.